Œuvre complète de Lamartine publiée inédite. Tome 6e. Paris chez l'auteur, rue de la Ville-l'Évêque, 43, 1861. Syrie, Galilée. 15 octobre 1832. La mer de Galilée, large d'environ une lieue à l'extrémité méridionale où nous l'avions abordée, s'élargit d'abord insensiblement jusqu'à la hauteur d'Emmaüs, extrémité du promontoire qui nous cachait la ville de Tibériade. Puis tout à coup les montagnes qui la resserrent jusque-là s'ouvrent en large golfe des deux côtés, et lui forment un vaste bassin presque rond, où elle s'étend et se développe dans un lit d'environ 12 à 15 lieues de tour. Ce bassin n'est pas régulier dans sa forme, les montagnes ne descendent pas partout jusqu'à ses ondes. Tantôt elles s'écartent à quelque distance du rivage, et laissent entrer cette mer une petite plaine basse, fertile et verte comme les plaines de Génézareth. Tantôt elles se séparent et s'entr'ouvrent, pour laisser pénétrer ces flots bleus dans des golfes creusés à leurs pieds et ombragés de leur ombre. La main du peintre le plus suave ne dessinerait pas des contours plus arrondis, plus indécis et plus variés que ceux que la main créatrice a donnés à ses eaux et à ses montagnes. Elle semble avoir préparé la scène évangélique pour l'œuvre de grâce, de paix, de réconciliation et d'amour qui devait une fois s'y accomplir. À l'Orient, les montagnes forment, depuis les cimes du Gelbo et qu'on entrevoit du côté du Midi, jusqu'aux cimes du Liban qui se montrent au nord, une chaîne serrée, mais ondulée et flexible, dont les sombres anneaux semblent de temps en temps prêts à se détendre, et se brisent même çà et là pour laisser passer un peu de ciel. Ces montagnes ne sont pas terminées à leur sommet par ces dents aiguës, par ces rochers aiguisés par les tempêtes qui présentent leurs pointes émoussées à la foudre et au vent, et donnent toujours à l'aspect des hautes chaînes quelque chose de vieux, de terrible, de ruiné, qui attriste le cœur en élevant la pensée. Elles s'amoindrissent mollement en croupes plus ou moins larges, plus ou moins rapides, vêtues, les unes de quelques chaînes disséminées, les autres de broussailles verdoyantes, celle-ci d'une terre nue, mais fertile, qui offre encore les traces d'une culture variée, quelques autres enfin, de la seule lumière du soir ou du matin qui glisse sur leur surface et les colore d'un jaune clair, ou d'une teinte bleue et violette plus riche que le pinceau ne pourrait la retrouver. Leurs flancs, quoiqu'ils ne laissent passage à aucune véritable vallée, ne forment pas un rempart toujours égal. Ils sont creusés, de distance en distance, de profondes et larges ravines, comme si les montagnes avaient éclaté sous leur propre poids. Et les accidents naturels de la lumière et de l'ombre font de ces ravines des taches lumineuses, ou plus souvent obscures, qui attirent l'œil, et rompent l'uniformité des contours et de la couleur. Plus bas, elle s'affaisse sur elle-même, et avance çà et là, sur le lac, des mamelons ou des monticules arrondis, transition douce et gracieuse entre les sommets et les eaux qui les réfléchissent. Presque nulle part, du côté de l'Orient, le rocher ne perce la couche végétale dont elles sont grassement revêtues, et cette Arcadie de la Judée réunit ainsi toujours, à la majesté et à la gravité des contrées montagneuses, l'image de la fertilité et de l'abondance variée de la terre. Si les rosées de l'Hermont tombaient encore sur son sein. Au bout du lac, vers le nord, cette chaîne de montagnes s'abaisse en s'éloignant. On distingue de loin une plaine qui vient mourir dans les flots, et, à l'extrémité de cette plaine, une masse blanche d'écume qui semble rouler d'assez haut dans la mer. C'est le Jourdain qui se précipite de là dans le lac, qu'il traverse sans y mêler ses eaux, et qui va en sortir tranquille, silencieux et pur, à l'endroit où nous l'avons décrit. Toute cette extrémité nord de la mer de Galilée est bordée d'une lisière de champs qui paraissent cultivés. On y distingue des chaumes jaunissants de la dernière récolte, et de vastes champs de joncs que les Arabes cultivent partout où il se trouve une source pour en arroser le pied. Du côté occidental, j'ai peint les chaînes de monticules volcaniques que nous suivions depuis le lever du jour. Elles règnent uniformément jusqu'à Tibériade. Des avalanches de pierres noires, vomies par les gueules encore entr'ouvertes d'une centaine de cônes volcaniques éteints, traversent à chaque instant les pentes ardues de cette côte sombre et funèbre. La route n'était variée pour nous que par la forme bizarre et les couleurs étranges des hautes masses de lave durcie qui étaient éparses autour de nous, et par les débris de murailles, de portes de villes détruites et de colonnes couchées à terre, que nos chevaux franchissaient à chaque pas. Les bords de la mer de Galilée de ce côté de la Judée n'étaient, pour ainsi dire, qu'une seule ville. Ces débris multipliés devant nous, et la multitude des villes, et la magnificence de construction que leurs fragments mutilés témoignent, rappellent à ma mémoire la route qui longe le pied du mont Vésuve, de Castellammare à Portici. Comme là, les bords du lac de Génézareth semblaient porter des villes au lieu de moissons et de forêts. Après 2 heures de marche, nous arrivâmes à l'extrémité d'un promontoire qui s'avance dans le lac, et la ville de Tibériade se montra tout à coup devant nous, comme une apparition vivante et éclatante d'une ville de 2000 ans. Elle couvre la pente d'une colline noire et nue, qui s'incline rapidement vers le lac. Elle est entourée d'une haute muraille carrée, flanquée de 15 à 20 tours crénelées. Les pointes de deux blancs minarets se dressent seules au-dessus de ces murs et de ces tours, et tout le reste de la ville semble se cacher de l'arabe à l'abri de ces hautes murailles, et ne présenter à l'œil que la voûte basse et uniforme de ces toits gris, semblable à l'écaille découpée d'une tortue. Arrêtez là, au bain minéral turc d'Emmaüs, coupole isolée, et entouré de superbes débris de bains romains ou hébreux. Nous nous établissons dans la salle même du bain. Bassin rempli d'eau courante, chaude de 200 degrés Fahrenheit. Pris un bain. Dormi 1 heure. Remonté à cheval, tempête sur le lac, que je désirais vivement voir. Eau verte comme les feuilles du jonc qui l'entoure. Écume livide et éblouissante. Vagues assez hautes et très pressées. Grand bruit des lames sur les cailloux volcaniques qu'elles roulent. Mais point de barques en péril ni en vue. Il n'y en a pas une seule sur le lac. Entrée à Tibériade par un orage et une pluie du midi. Réfugiée dans l'église latine. Fait apporter du feu allumé au milieu de l'église déserte, la première église du christianisme. Tibériade ne vaut pas même pour l'intérieur ce coup d'œil rapide, assemblage confus et boueux de quelques centaines de maisons, semblables aux cahutes arabes de boue et de paille. Nous sommes salués en italien et en allemand par plusieurs juifs polonais ou allemands qui, sur la fin de leur jour, lorsqu'ils n'ont plus rien à attendre que l'heure incertaine de la mort, viennent passer leurs derniers instants à Tibériade, sur les bords de leur mer, au cœur même de leur cher pays, afin de mourir sous leur soleil et d'être ensevelis dans leur terre, comme Abraham et Jacob. Dormir dans la couche de ses pères. Témoignage de l'inextinguible amour de la patrie. On le nierait en vain. Il y a sympathie, il y a affinité entre l'homme et la terre dont il fut formé, dont il est sorti. Il est bien, il est doux de lui rapporter à sa place ce peu de poussière qu'on lui a emprunté pour quelques jours. Faites que je dorme aussi, ô mon Dieu, dans la terre et auprès de la poussière de mes pères. 9 heures de marche sans repos nous ramènent à Nazareth par Cana, lieu du premier miracle du Sauveur. Un joli village turc, gracieusement penché sur les deux bords d'un bassin de terre fertile, entouré de collines couvertes de nopales, de chênes et d'oliviers, des grenadiers, 3 palmiers, des figuiers alentour, des femmes et des troupeaux autour des auges de la fontaine, maison de Saint-Barthélemy, apôtre, dans le village, à côté, maison où a eu lieu le miracle de l'eau changée en vin, elle est en ruine et sans toit. Les religieux montrent encore les jarres qui continrent le vin du prodige. Broderie monacale qui dépare partout la simple et riche étoffe des traditions religieuses. Après nous être reposés et désaltérés un moment au bord de la fontaine de Cana, nous nous remettons en marche, par un clair de lune, vers Nazareth. Nous traversons quelques plaines assez bien cultivées, puis une série de collines boisées qui s'élèvent à mesure qu'elles s'approchent de Nazareth. Après 3 heures et demie de marche, nous arrivons au port du couvent latin, où nous sommes reçus de nouveau à Nazareth. À mon réveil, je fus étonné d'entendre une voix qui me saluait en italien. C'était celle d'un ancien vice-consul de France à Saint-Jean d'Acre, Monsieur Catafago, personnage très connu et très important dans toute la Syrie, où son titre d'agent des Européens, son amitié avec Abdallah, pacha d'Acre, son commerce et ses richesses, l'ont rendu célèbre et puissant. Il est encore consul d'Autriche à Saint-Jean d'Acre. Son costume répondait à sa double nature d'arabe et d'européen. Il était vêtu de la pelisse rouge fourrée d'hermine, et portait un immense chapeau à 3 cornes, signe distinctif des agents français en Orient. Ce chapeau date du temps de la guerre d'Égypte. C'est la défroque religieusement conservée de quelques généraux de brigade de Bonaparte. On ne le met sur la tête que dans les occasions officielles, dans les audiences du pacha, ou lorsqu'un Européen passe dans le pays. Ce sont ces dieux pénates qu'on s'imagine lui faire revoir. Monsieur Catafago était un petit vieillard, à la physionomie spirituelle, forte et perçante des Arabes. Ses yeux, pleins d'un feu adouci par la bienveillance et la politesse, éclairaient sa figure d'un rayon d'une intelligence supérieure. On concevait, au premier coup d'œil, l'ascendant qu'un pareil homme avait dû prendre sur des Arabes et des Turcs, qui manquent en général de ce principe d'activité qui pétillait dans les regards et se trahissait dans les mouvements et dans les gestes de Monsieur Catafago. Il tenait à la main un paquet de lettres pour moi, qu'il venait de recevoir de la côte de Syrie par un courrier d'Ibrahim Pacha, et une série de journaux français qu'il reçoit lui-même. Il avait pensé avec raison qu'il y aurait pour un voyageur français surprise et plaisir à trouver ainsi au milieu du désert, et à 1000 lieues de sa patrie, des nouvelles fraîches de l'Europe. Je lus les lettres, qui me donnaient toujours quelques inquiétudes sur la santé de Julia. Monsieur Catafago me laissa, en me priant d'aller déjeuner dans un pavillon qu'il avait construit à Nazareth, et où il passait seul les jours brûlants de l'été, et j'ouvris les journaux. Mon nom fut le premier qui me frappa, c'était un feuilleton du journal des débats, où l'on citait des vers que j'avais adressés, en partant de France, à Walter Scott. Je tombai sur ceux-ci, dont le sens triste et inquiet convenait si bien à la scène où le hasard me les envoyait. Scène des plus grandes révolutions de l'esprit humain, scène où l'Esprit de Dieu avait si puissamment remué les hommes, et dont l'idée rénovatrice du christianisme avait pris son vol sur le monde, comme une idée, fille encore du christianisme, remuait l'autre rivage de ces mers d'où mes accents m'étaient revenus. Spectateur fatigué du grand spectacle humain, tu nous laisses pourtant dans un rude chemin. Les nations n'ont plus ni barde ni prophète, pour enchanter leur route et marcher à leur tête, un tremblement de trône a secoué les rois. Les chefs comptent par jour, et les règnes par mois. Le souffle impétueux de l'humaine pensée, équinoxe brûlant dont l'âme est renversée, ne permet à personne, et pas même en espoir, de se tenir debout au sommet du pouvoir. Mais, poussant tour à tour les plus forts sur la cime, les frappe de vertige et les jette à l'abîme. En vain le monde invoque un sauveur, un appui. Le temps, plus fort que nous, nous entraîne sous lui. Lorsque la mer est basse, un enfant la gourmande, mais tout homme est petit quand une époque est grande. Regarde, citoyen, roi, soldat ou tribun, Dieu met la main sur tous et n'en choisit pas un. Et le pouvoir, rapide et brûlant météore, en tombant sur nos fronts, nous juge et nous dévore. C'en est fait, la parole a soufflé sur les mers, le chaos bout, et couve un second univers, et pour le genre humain, que le sceptre abandonne, le salut est dans tous, et n'est plus dans personne. À l'immense roulis d'un océan nouveau, aux oscillations du ciel et du vaisseau, aux gigantesques flots qui croulent sur nos têtes, on sent que l'homme aussi double un cap des tempêtes, et passe, sous la foudre et dans l'obscurité, le tropique orageux d'une autre humanité. Je relus ces vers comme s'ils eussent été d'un autre, tant je les avais complètement effacés de ma mémoire. Je fus frappé de nouveau de ce sentiment qui me les avait inspirés ailleurs, de ce sentiment du tremblement général des choses, du vertige, de l'éblouissement universel de l'esprit humain, qui court avec trop de rapidité pour se rendre compte de sa marche même, mais qui a l'instinct d'un but nouveau, inconnu, où Dieu le mène par la voie rude et précipiteuse des catastrophes sociales. J'admirais aussi cette puissance merveilleuse de la locomotion de la pensée humaine, de la presse et du journalisme, par lesquels une pensée qui m'était venue au front 6 mois auparavant, dans un bois de Saint-Point, venait me retrouver comme une fille qui cherche son père, et frapper les vieux échos des rochers de Nazareth des sons d'une langue jeune et déjà universelle. 20 octobre 1832 Déjeuner au pavillon de Monsieur Catafago, avec un de ses frères et quelques Arabes. Parcourut de nouveau les environs de Nazareth, visiter la pierre dans la montagne où Jésus allait, selon les traditions, prendre ses repas avec ses premiers disciples. Monsieur Catafago me remet des lettres pour Saint Jean d'Acre et pour le Museline de Jérusalem. Le 21, à 6 heures du matin, nous partons de Nazareth. Tous les pères espagnols et italiens du couvent, réunis dans la cour, se pressent autour de nos chevaux, et nous offrent, les uns des vœux et des prières pour notre voyage, les autres des provisions fraîches, du pain excellent cuit pendant la nuit, des olives, et du chocolat d'Espagne. Je donne 500 piastres au supérieur pour payer son hospitalité. Cela n'empêche pas quelques-uns des jeunes pères espagnols de me glisser tout bas leur requête à l'oreille, et de recevoir furtivement quelques poignées de piastres pour s'acheter le tabac et les autres petites douceurs monacales qui distraient leur solitude. Les voyageurs ont fait une peinture romanesque et fausse de ces couvents de Terre Sainte. Rien n'est moins poétique ni moins religieux, vu de près. La pensée en est grande et belle. Des hommes s'arrachent aux délices de la civilisation d'Occident pour aller exposer leur existence ou mener une vie de privation et de martyr parmi les persécuteurs de leur culte. sur les lieux mêmes où les mystères de leur religion ont consacré la terre. Ils jeûnent, ils veillent, ils prient, au milieu des blasphèmes des Turcs et des Arabes, pour qu'un peu d'encens chrétien fume encore sur chaque site où le christianisme est né. Ils sont les gardiens du berceau et du tombeau sacré. L'ange du jugement les retrouvera seuls à cette place, comme ces saintes femmes qui veillaient et pleuraient près du sépulcre vide. Tout cela est beau et grand dans la pensée, mais dans le fait il faut en rabattre presque tout le grandiose. Il n'y a point de persécution, il n'y a plus de martyrs, tout autour de ces hospices une population chrétienne est aux ordres et au service des moines de ces couvents. Les Turcs ne les inquiètent nullement, au contraire, ils les protègent. C'est le peuple qui comprend le mieux le culte et la prière, dans quelque langousse ou quelque forme qu'il se montre à lui. Il ne hait que l'athéisme, qu'il trouve, avec raison, une dégradation de l'intelligence humaine, une insulte à l'humanité bien plus qu'à l'être évident, Dieu. Ces couvents sont, de plus, sous la protection redoutée et inviolable des puissances chrétiennes, et représentés par leur consul. Sur une plainte du supérieur, le consul écrit au pacha, et justice est faite à l'instant même. Les moines que j'ai vus dans la Terre Sainte, bien loin de me présenter l'image du long martyr dont on leur fait honneur, m'ont paru les plus heureux, les plus respectés, les plus redoutés des habitants de ces contrées. Ils occupent des espèces de châteaux forts, semblables à nos vieux castels du Moyen-Âge. Ces demeures sont inviolables, entourées de murs et fermées de portes de fer. Ces portes ne s'ouvrent que pour la population catholique du voisinage, qui vient assister aux offices, recevoir un peu d'instruction pieuse et payer, en respect et en dévouement aux moines, le salaire de l'autel. Je ne suis jamais sorti accompagné d'un des pères, dans les rues d'une des villes de Syrie, sans que les enfants et les femmes vinssent s'incliner sous la main du prêtre, baiser cette main et le bas de sa robe. Les Turcs même, bien loin de les insulter, semblaient partager le respect qu'ils imprimaient sur leur passage. Maintenant, qui sont ces moines? En général, des paysans d'Espagne et d'Italie, entrés jeunes dans les couvents de leur patrie, et qui, s'ennuyant de la vie monacale, désirent la diversifier au moins par l'aspect de contrées nouvelles, et demandent à être envoyés en Terre Sainte. Leur résidence dans les maisons de leur ordre établies en Orient ne dure en général que 2 ou 3 ans. Un vaisseau vient les reprendre, et en ramène d'autres. Ceux qui apprennent l'arabe et se consacrent au service de la population catholique des villes y restent davantage, et y consument souvent toute leur vie. Ils ont les occupations et la vie de nos curés de campagne, mais ils sont entourés de plus de vénération et de dévouement. Les autres restent renfermés dans l'enceinte du couvent, ou passent, pour faire leur pèlerinage, d'une maison dans une autre, tantôt à Nazareth, tantôt à Bethléem, quelque temps à Rome, quelque temps à Jaffa ou au couvent de Saint-Jean, dans le désert. Ils n'ont d'autre occupation que les offices de l'église, la promenade dans les jardins ou sur les terrasses du couvent. Point de livres, nulles études, aucune fonction utile. L'ennui les dévore, des cabales se forment dans l'intérieur du couvent. Les Espagnols médisent des Italiens. Les Italiens des Espagnols. Nous fûmes peu édifiés des propos que tenaient les uns sur les autres les moines de Nazareth. Nous n'en trouvâmes pas un seul qui pût soutenir la moindre conversation raisonnable sur les sujets même que leur vocation devait leur rendre le plus familier. aucune connaissance de l'antiquité sacrée, des pères, de l'histoire des lieux qu'ils habitent. Tout se réduit à un certain nombre de traditions populaires et ridicules qu'ils se transmettent sans examen, et qu'ils donnent aux voyageurs comme ils les ont reçus de l'ignorance et de la crédulité des Arabes chrétiens du pays. Ils soupirent tous après le moment de leur délivrance, et retournent en Italie ou en Espagne sans aucun fruit pour eux ni pour la religion. Du reste, les greniers du couvent sont bien remplis. Les caves renferment les meilleurs vins que cette terre produise. Eux seuls savent le faire. Tous les 2 ans un vaisseau arrive d'Espagne, apportant au Père supérieur le revenu que les puissances catholiques, l'Espagne, le Portugal et l'Italie, leur envoient. Cette somme, grossit des aumônes pieuses des chrétiens d'Égypte, de la Grèce, de Constantinople et de la Syrie, leur fournit, dit-on, un revenu de 300 à 400 000 francs. Cela se divise entre les différents couvents, selon le nombre des moines et les besoins de la communauté. Les édifices sont bien entretenus, et tout indique l'aisance et même la richesse relative dans les maisons que j'ai visitées. Je n'ai vu aucun scandale dans ces maisons des moines de Terre Sainte. L'ignorance, l'oisiveté, l'ennui, voilà les 3 plaies qu'il faudrait et qu'on pourrait guérir. Ces hommes m'ont paru simples, et sincèrement mais fanatiquement crédules. Quelques-uns même, à Nazareth, m'ont semblé de véritables saints, animés de la foi la plus ardente et de la charité la plus active, humbles, doux, patients, serviteurs volontaires de leurs frères et des étrangers. J'emporte leur physionomie de paix et de candeur dans ma mémoire, et leur hospitalité dans mon cœur. J'ai bien aussi leur nom, mais que leur importe que leur nom court la terre, pourvu que le ciel les connaisse, et que leur vertu demeure ensevelie dans l'ombre du cloître, où leur plaisir est de les cacher. Markemdanarchive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.